Les clés du nouveau Delphes A2, unité 1. Entraînement au Delphes A2. Compréhension de l'oral. Les clés du message sur répondeur. Exemple. Première partie de l'enregistrement. Vous êtes sur le répondeur automatique de la société Dujan. Pour contacter notre service commercial, tapez 1. Pour obtenir le service du personnel, tapez 2. Pour être mis en contact avec le service technique, tapez 3. Sinon, veuillez patienter, notre standardiste vous répondra dans quelques instants. Merci.